Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la longue bataille contre la tuberculose. La tuberculose s'attrapait par la respiration, par tout simplement parler avec quelqu'un. Or, ma mère était une grande malade et personne ne venait nous voir. Je n'amenais pas de petite amie chez moi. C'était la maison de la tuberculose chez nous. Alors, les gens rentraient dans la porte pour pas que... Ils pensaient que ça sautait sur le monde. Et c'était marqué, sa mère fait de la tuberculose. Il y avait plus personne. Il restait un enfant. Dans une famille de 8 personnes, il y en avait 7 qui mouraient de tuberculose. Quand je suis rentrée au sanatorium, les gens mouraient autour de moi. Je voyais les cadavres sortir. Tu dis, c'est mon tour. L'animatrice Jeannette Bertrand se rappelle dans cet extrait de l'émission Christiane Charette en direct, diffusée en 2001, de cette époque de sa jeunesse où la tuberculose faisait effectivement de véritables ravages. Au début des années 1940, la moitié des décès attribuables à la tuberculose chez les jeunes de 15 à 19 ans au pays touchaient le Québec. En 1867 déjà, la tuberculose était la première cause de décès au Canada. Obama. Oui, c'est toi. Mais on va te réchapper. On va te guérir. On va te faire un pneumothorax. On introduit de l'air dans l'enveloppe extérieure du poumon. Bon, écoutez, je suis pas un missionnaire, je suis un médecin. Puis j'ai 60 patients à voir aujourd'hui. Je me mettrai pas à prendre l'Esquimau. Débrouillez-vous avec lui. Vous allez guérir, Tivi. Un jour. Extrait du très beau film de Benoît Pilon, Ce qu'il faut pour vivre, un film qui date de 2008 et dans lequel on suit le destin de Tivi, un chasseur Inuk atteint de tuberculose qu'on envoie se faire soigner au sud, dans un sanatorium de la région de Québec, pour nous rappeler les ravages qu'a provoqué la tuberculose chez nous, pour nous décrire aussi ce long combat qui va être mené pour combattre cette maladie. Je reçois André Bilodeau, qui est médecin de famille et professeur agrégé à l'Université d'Ottawa. Il enseigne notamment l'histoire de la médecine. André Bilodeau, bonjour. Bonjour. Raconter l'histoire de la tuberculose, André Bilodeau. C'est un peu raconter l'histoire du développement de la médecine moderne. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette histoire-là, de la tuberculose, sur la manière, justement, dont s'est développée la médecine moderne? En fait, on s'aperçoit que avant le 19e siècle, on n'avait pas de compréhension, en fait, de comment se développaient les maladies. Le sens même du mot maladie n'était pas existant comme tel dans le langage médical. En fait, jusqu'à ce moment-là, on traitait... les Anglais utilisent deux mots différents. Ils utilisent « disease » pour dire la maladie, ce qu'on va découvrir avec le 19e et le 20e siècle, alors qu'avant, on parlait plus de « illness », c'est-à-dire le malaise. Ouais. Alors, ce que la tuberculose va nous apprendre, c'est comment, justement, cette maladie qui est là avec l'être humain depuis 300 000 ans, c'est-à-dire depuis que l'humain, avant même que l'humain soit un homo sapiens, Mycobacterium tuberculosis infecte les primates, les grands primates. Et donc, elle nous a suivis au travers de notre histoire. C'est une de nos plus longues compagnes de toute notre aventure. Et, sans qu'on sache à ce moment-là ce que c'est. Et surtout, sans qu'on soit capable de la reconnaître comme une seule maladie. Ouais. Alors, ce qu'on va voir, c'est comment on a compris comment se développe la tuberculose, comment la tuberculose atteint plusieurs organes différents et, au fond, comment on a même réussi, avec la fin du 20e siècle, à traiter la tuberculose et presque à l'éradiquer. Donc, c'est un bon exemple, au fond, du processus de, je reviens là-dessus, mais de la médecine moderne où on réussit, la tuberculose nous montre ça, on ne sait pas au début de quoi il s'agit, on finit par identifier c'est quoi, c'est la tuberculose, on finit par ensuite, dans la chaîne, identifier les causes et on finit ensuite, dans cette chaîne toujours, par identifier une solution, des remèdes. Exactement, puis on va même unifier la maladie, parce qu'essentiellement, au début, on va reconnaître la maladie pulmonaire, qu'on va appeler phtisie ou consomption, Donc, c'est des vieux termes qui parlent surtout de la dégénérescence humaine là, qui est associée à la tuberculose. Mais on ne sera pas capable d'y relier les autres atteintes comme l'atteinte rénale, l'atteinte cérébrale, l'atteinte osseuse, qui sont là, qu'on voit, avec lesquelles on vit, mais qu'on n'est pas capable d'associer parce qu'on n'est pas capable d'unifier la maladie derrière, un processus derrière. Ouais. Et c'est ce qui va se passer avec l'histoire de la tuberculose. Je le disais au tout début de l'émission, en 1867, on estime que la tuberculose, déjà, est la première cause de décès au Canada. Au début du 20e siècle, la première décennie, la 1900-1910, c'est la deuxième cause de décès après la pneumonie aux États-Unis. Où se situe, André Bilodeau, la tuberculose au palmarès des maladies qui ont été les plus mortelles dans l'histoire? Bien, étant donné sa durée de séjour avec nous, maladie des décennies, qui existait sur des millénaires, et elle est probablement avec les autres maladies infectieuses, comme la pneumonie, la dysenterie et la malaria, les plus grands tueurs de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à ce 20e siècle, et encore dans les pays qui font partie du quartile inférieur, donc les pays les plus pauvres de la Terre, la tuberculose est toujours la sixième cause de décès dans le monde. Et aujourd'hui, à tous les jours, 4400 personnes décèdent de la tuberculose chaque jour. Oui. Puis il y a même, puis on y reviendra à la fin de l'émission, mais une recrudescence dans certaines régions du monde depuis quelques années, preuve que rien n'est jamais complètement gagné. Parlons de cette bataille très, très longue. Vous êtes là pour ça, pour nous décrire un peu comment ça va se passer, cette longue bataille contre la tuberculose. Ça s'étale sur à peu près deux siècles, à partir du moment où on sait à peu près de quoi qui est devant nous, quel est l'ennemi. Ça commence quand, cette bataille-là? En fait, ça va commencer au siècle des Lumières, donc au 18e siècle. On va commencer à décrire par les premières autopsies les fameux tubercules. Qu'on va retrouver dans les poumons des patients qui sont malades de la consomption. En fait, c'était avec la Révolution française et à un médecin qui s'appelle Théophile Hyacinthe René Laennec qu'on va vraiment pouvoir naître une première description clinique de la tuberculose très claire. Même si en fait on la connaît puis on en avait une certaine idée depuis déjà quelques siècles. Mais ce médecin-là, qui d'ailleurs a une histoire intéressante parce que lui-même, sa mère est décédée de phtisie, va être élevé par son oncle qui est médecin. Il va faire son cours de médecine, il va faire une formation en anatomopathologie et donc il va commencer à faire des autopsies. Mm-hmm. Et on se retrouve là, ce début de 19e siècle à Paris, alors que l'empereur Napoléon étatise les hôpitaux et crée l'hôpital tel qu'on le connaît maintenant aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, on va mettre des médecins dans les hôpitaux où ils n'étaient pas présents beaucoup avant, et on va imposer que tous les patients aient un dossier médical et une autopsie s'ils décèdent à l'hôpital. Laennec va se retrouver au département des maladies respiratoires de l'hôpital Nickel à Paris. Et là, il va se retrouver à voir, jour après jour, des patients qui ont des problèmes de respiratoires. Et il va commencer à reconnaître des familles de symptômes qu'il va pouvoir regrouper. Et comme il fait des autopsies chez ceux qui vont décéder, il va être capable de lier une série de symptômes particuliers, une histoire de la maladie, avec ces trouvailles-là qui sont de nature anatomopathologique, les fameux tubercules. Laennec, d'ailleurs, est aussi l'inventeur d'un outil qui est très important dans l'histoire des maladies respiratoires, mais qui va aussi devenir tout simplement très représentatif de la médecine elle-même, le stéthoscope. Ouais. C'est lui qui va inventer le stéthoscope. Donc, en octobre 1816, il s'en va vers l'hôpital et il passe près du Louvre. Et il y a des enfants qui sont en train de jouer sur les guichets du Louvre avec une poutre partiellement évidée. Ils ont une petite aiguille, puis un des enfants gratte sur la poutre, et les autres l'entendent à l'autre bout. Laennec va voir ça et il va dire « Oh, c'est intéressant. » Parce que l'examen physique commençait à prendre place dans la pratique de la médecine à ce moment-là. Ce qui n'avait pas été beaucoup présent dans les premiers millénaires de l'histoire de la médecine. Ça fait à peu près 50 ans qu'on commence à véritablement examiner les patients. Et c'est ce qu'il va faire. Mais l'auscultation est un petit peu problématique parce qu'il faut mettre son oreille directement sur la poitrine dénudée du patient, ce qui est un petit peu gênant. Mm-hmm. Et là, il va s'inspirer de ce jeu-là des enfants. Il va arriver à l'hôpital, il faut qu'il ausculte un patient et il va prendre tout simplement un morceau de papier qu'il va rouler. Il va poser un bout sur le thorax du patient, son oreille à l'autre bout, et il va entendre le bruit cardiaque et les bruits respiratoires. Et c'est ainsi que est né le stéthoscope, qui va évidemment être raffiné. Ouais. On va en faire une pièce plus intelligente un peu plus tard, mais ça va devenir cet outil-là qui va être très important. Mais le NEC, il est important parce qu'il y a ces examens physiques, et il est l'homme de son temps. Vous le dites, à ce moment-là, c'est l'hôpital moderne qui commence à exister. L'examen physique est généralisé. Il pratique des autopsies. Donc, il voit un peu le patient quand il vit. Il y a le stéthoscope qui va arriver. Et au fond, c'est lui qui réussit à créer la méthode, le diagnostic de la tuberculose. En fait, il va créer ce lien-là entre les trouvailles anatomopathologiques et l'examen physique et l'histoire du patient. Oui. Et il va le faire aussi parce qu'il y a un autre outil très important qui naît en même temps que ces hôpitaux-là, c'est le dossier médical. De façon compulsive, on note les informations pour la première fois dans l'histoire de la médecine. Et donc, on est capable de mettre ensemble l'histoire de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de patients qui finissent par se ressembler. Et là, on est capable de créer une sorte d'histoire. On raconte la maladie avec ses symptômes et ses trouvailles pathologiques. Donc, entre le moment où on reconnaît, au fond, la tuberculose chez un patient, André Bilodeau, et le moment où on va en découvrir la cause, ça, c'est une autre étape, il va s'écouler quelques décennies au cours desquelles on va assister à d'âpres débats sur la nature de la maladie, sur ses origines. Oui, en fait, on a déjà reconnu depuis plusieurs centaines d'années que la tuberculose est une maladie transmissible. Mais comment l'est-elle? Il va y avoir deux théories au milieu du 19e siècle qui vont s'opposer. Une théorie des germes, qui est maintenant celle qu'on connaît le mieux, okay? Parce qu'on comprend tous la question des germes. Donc, c'est ces petites bêtes qui entrent dans notre corps et qui finissent par créer la maladie. Et cette théorie-là est portée beaucoup par André de Boisregard et Pasteur, qu'on connaît très bien. Mais elle s'oppose à une autre théorie qui est celle de la théorie cellulaire, sociale et cellulaire de Rudolf Virchow, qui est pathologiste, qui est aussi un homme d'État allemand et qui, lui, pense que la maladie de la tuberculose est créée comme une sorte de défection ou d'altération du fonctionnement cellulaire créée par la pauvreté et la malnutrition. Parce qu'on sait aussi depuis longtemps que ce sont dans les populations pauvres que se développe principalement la maladie. Et il y a un argument très fort, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, malgré les microscopes et malgré tous les tests, on n'arrive pas à voir le fameux germe de la tuberculose. C'est Koch, qui va d'ailleurs donner son nom au bacille, au microbe de la tuberculose, qui va finir par trouver une solution. D'abord, le bacille de la tuberculose est tout petit. Et en plus, il ne prend pas la coloration. Alors lui, il va trouver, par une méthode physico-chimique, une manière de colorer à l'envers le bacille de tuberculose. Et il va le présenter dans une conférence à Berlin en 1882. Et Virchow est dans la salle. Ouais. Virchow va ressortir là, complètement en colère. Il va même, à la fin de sa vie, dire « ça n'existe pas vraiment, c'est une supposée germe tuberculeux ». Mais c'est là qu'on va voir la preuve qu'il y a une bactérie, clairement, qui est à la cause de la tuberculose. Donc, c'est la théorie des germes qui s'est imposée et qui prévaut depuis. Ça va aussi, cette bataille contre la tuberculose, permettre le développement de différentes technologies, des médicaments, ça on y viendra plus tard, mais des technologies importantes, le rayon X, entre autres. Oui, en fait, le rayon X est développé à l'extérieur. C'est Röntgen qui va le découvrir de façon un petit peu par hasard, mais il va s'apercevoir que par un système de traitement des gaz, il y a une sorte de rayonnement qu'il n'est pas capable de nommer d'ailleurs, c'est une nouvelle forme de lumière, donc c'est des rayons, il ne le sait pas, il va appeler ça le rayon X, et il va s'apercevoir qu'on est capable de voir à travers les tissus humains, mais pas de façon égale selon les tissus. Les os ne laissent pas passer les rayons X, les tissus mous vont le laisser passer. Le poumon étant le tissu mou le moins dense, c'est celui qui va laisser le mieux passer. Et très rapidement, on va utiliser cette nouvelle technologie-là pour examiner le poumon. Et là, on va voir des lésions qui correspondent exactement à ce qu'on a trouvé déjà à l'anatomopathologie, c'est-à-dire des condensations qui sont les signes de ces tubercules qui avaient été découverts presque 200 ans avant, et également ces grandes cavernes qui sont la principale cause des problèmes de santé chez les patients tuberculeux, c'est-à-dire ces grands espaces de parenchyme où il n'y a plus d'alvéoles, il n'y a plus rien, il n'y a que seulement un grand vide incapable de pouvoir permettre l'oxygénation du sang. On entendait au début de l'émission un extrait du film de Benoît Pilon, Ce qu'il faut pour vivre. Ça se passe dans un sanatorium. On ne peut pas, évidemment, faire une émission sur la tuberculose sans parler des sanatoriums, de la philosophie aussi derrière ces grandes maisons de repos pour tuberculeux. Au Québec, c'est beaucoup les communautés religieuses qui vont s'occuper de ces sanatoriums-là. On écoute à ce propos, justement, l'historien Louise Côté à l'émission La vie comme une histoire en 2001. L'Église voyait la tuberculose comme une façon de se racheter, de devenir meilleur. Donc, c'est sûr que c'est Dieu qui décide qui devient tuberculeux ou non, mais la tuberculose peut vous donner l'occasion de devenir meilleur parce que ça vous oblige au repos. Donc, il faut que vous reposiez, vous pensiez aux excès que vous avez faits qui ont mené à la tuberculose. Donc, essayez de s'améliorer, de devenir meilleur, etc. Donc, un discours sur la maladie qui rend meilleur. Les 10 commandements du sanatorium. Une cure scrupuleuse tu feras pour guérir promptement. Toute fatigue, tout surmenage tu éviteras pour refaire tes forces avantageusement. De ta maladie, jamais ne parlera pour ne pas ennuyer tes compagnons inutilement. La critique tu détruiras pour construire efficacement. La main du médecin après celle de Dieu tu prendras pour espérer fermement. Au jour le jour tu vivras pour demeurer en paix continuellement. Au club du sourire, tu collaboreras pour semer le bien joyeusement. Les petits groupes, les apartés, tu fuiras pour penser aux autres généreusement. La prière jamais ne négligera pour hâter ta délivrance rapidement. Donc, dans quel contexte ils apparaissent, ces fameux sanatoriums, André Bilodeau? Quelle est la philosophie derrière la création de ces lieux-là? En fait, depuis le début du 19e siècle, la tuberculose prend de plus en plus d'espace et de plus en plus incidente dans les populations occidentales et tue de plus en plus de gens. Et on s'aperçoit qu'au fond, les gens qui vivent à la campagne guérissent mieux et que le bacille de Koch lui-même est sensible et est un peu détruit par l'oxygène. Donc, on va mettre les deux éléments ensemble. On va dire, on va bien nourrir les gens, on va les exposer à de l'air de bonne qualité. C'est pour ça que les sanatoriums vont être installés dans ce qui était à ce moment-là les faubourgs, là, les banlieues. Évidemment, c'était aussi pour isoler les gens qui étaient contagieux. De cette façon-là, on s'assurait qu'ils étaient en quarantaine de façon très, très, très prolongée. Ils étaient exclus du reste de la société. Alors oui, on va en faire ici une interprétation spirituelle, mais le sanatorium existe dans tout l'Occident du 19e et du début du 20e siècle. Et ça a marqué, il y a des romans qui ont été écrits dans des opéras. Oui. Parlez-moi de cette vie. Ça ressemble à quoi, la vie dans les sanatoriums? En fait, c'est une vie difficile au sens qu'il ne s'y passe rien. Ouais. OK? Il n'y a pas de traitement comme tel. Et vous espérez que les choses vont s'améliorer. Et étant donné l'histoire de la maladie elle-même, ben oui, vous allez peut-être vous améliorer pendant un certain temps. Beaucoup de gens vont en décéder, comme Mme Bertrand faisait mention au début. Mais évidemment, il y a des gens qui vont quitter, mais qui vont devoir revenir parce que c'est une maladie excessivement difficile à guérir. D'autant plus que aux atteintes pulmonaires vont s'associer les autres atteintes, les atteintes rénales et osseuses. Et la vraie révolution, elle va arriver, le début de la révolution arrive avec la découverte de la pénicilline en 1928. Mais ça, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler la révolution pharmacologique. C'est par là qu'on aura raison de la tuberculose. C'est par là qu'on va vraiment avoir de l'incidence. Évidemment, la pénicilline est peu efficace sur la tuberculose, mais très rapidement, on va découvrir un autre dérivé qui est la streptomycine, qui va être vraiment le premier médicament qui va être efficace contre la tuberculose. On doit cependant le donner par intraveineux. C'est un peu plus tard, l'isoniazide va être découvert en 1952. Et là, à ce moment-là, c'est un médicament qu'on va pouvoir prendre par la bouche. Et pendant très, très longtemps, jusqu'à la fin du 20e siècle, l'isoniazide va toujours avoir été le médicament de prédilection et celui qui va avoir permis de contrôler l'épidémie. En même temps, il faut faire attention parce que les taux de tuberculose en Occident ont commencé à décroître 40 ans avant l'invention des antibiotiques. Donc, au fond, l'amélioration des conditions sociales, des conditions de vie, de l'alimentation a eu une incidence probablement plus importante sur la régression de la tuberculose en Occident que les antibiotiques eux-mêmes. Il reste, cela dit, certaines régions du monde où la tuberculose est présente. Vous le mentionniez au tout début de l'émission. Dans certaines régions du monde, il y a même depuis quelques années une recrudescence de la tuberculose. On écoute à ce propos un extrait de l'émission Les Années-Lumière, animée par Yannick Villedieu en 1998. Cette semaine, les experts et les autorités sanitaires sont venus dire qu'il y a bien crise mondiale de la tuberculose et que l'Asie est au cœur de cette autre crise sanitaire planétaire. De Bangkok, donc, où je l'ai joint par téléphone jeudi, voici le docteur Arnaud Trébuc de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. En Asie, la situation à l'heure actuelle est explosive. Et dans la plupart des pays voisins de la Thaïlande, et y compris la Thaïlande, le nombre de cas au cours des trois dernières années a augmenté de 20 à 40%. C'est énorme. Et qu'est-ce qui fait que ça augmente comme ça, aussi rapidement et aussi massivement en trois ans? Alors, je crois que par rapport à l'Asie, une des grandes raisons, c'est justement le fait que le problème était négligé avant et on ne savait pas s'il y avait comme cas de tuberculose. Depuis quelques années, on notifie beaucoup mieux les cas et on sait un peu mieux où on en est. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir cette augmentation qui ne correspond pas forcément à une augmentation du nombre de cas eux-mêmes, mais qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans cette épidémie de la tuberculose qui était totalement sous-évaluée il y a encore 5 ans. Il y a aussi des phénomènes qui sont bien connus maintenant, je crois, même du grand public. Il y a une relation entre le sida et la tuberculose. Donc on a un problème vraiment gigantesque en Afrique, en Asie, en Russie, ça fait la une de tous les journaux à l'heure actuelle, sur le nombre de cas qui existent en Europe de l'Est. Et on a besoin d'une solidarité internationale forte, et notamment de tous les pays développés, pour les pays en voie de développement, pour contrôler cette épidémie de tuberculose. Extrait de l'émission Les Années-Lumière en novembre 1998. Aujourd'hui, André Bilodeau, puis on termine là-dessus. On en est où dans notre combat contre la tuberculose? Le combat n'est pas gagné. Et en fait, comme pour presque toutes les maladies infectieuses, on s'aperçoit que les germes ont de nouveau le dessus sur l'humain. La résistance aux antibiotiques qui arrive justement de la péninsule sud-asiatique est un élément important. L'arrivée du sida également, surtout dans l'Afrique subsaharienne, où à peu près 70 % des patients qui ont le VIH ont la tuberculose, ce qui fait en sorte qu'actuellement, ces gens ont une capacité à se défendre qui est très, très diminuée. Et en fait aussi, l'autre phénomène qui est encore pire depuis 1996, c'est-à-dire les grands déplacements, la pauvreté, la famine, les camps de réfugiés qu'on a actuellement. La promiscuité fait en sorte que ce sont des nids à tuberculose. Et évidemment, ces populations-là sont particulièrement frappées, de telle sorte qu'actuellement au Canada, 67 % des personnes qui ont la tuberculose sont des gens qui arrivent de l'étranger. Ouais. Alors, c'est vraiment des gens qui arrivent ici avec cette maladie-là. Souvent, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais qu'ils ont acquis à travers leur pérégrination de leur histoire humaine. Donc, risque zéro, c'est à peu près impossible. À peu près. Ouais. Mais en même temps, on est mieux équipés dans certaines régions du monde, assez bien équipés pour faire face à des cas de tuberculose. Oui. En fait, mais avec l'augmentation de la résistance antibiotique, c'est vraiment le plus gros problème. En fait, l'OMS considère que c'est la plus importante crise de santé qui va se présenter dans les 50 prochaines années. André Bilodeau, médecin et professeur en histoire de la médecine à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.